السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Nous arrivons dans les dernières nuits, les derniers jours du mois de Ramadan. الحمد لله، il reste beaucoup à faire et à réussir بإذن الله سبحانه وتعالى وعونه، avec la permission et l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi les meilleures adorations, il y a as-salah, il y a la prière. Il y a la prière qui est le deuxième pilier de l'islam, qui est l'action la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses suiveurs, qui est l'acte procurant le plus grand plaisir, l'action qui est savouré par le croyant véridique, celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui connaît la valeur de l'adoration. Et dans les dernières nuits de Ramadan, tout comme dans le mois de Ramadan de manière générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Et nous sommes dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, comprenant les meilleures nuits de toute l'année. Et la meilleure adoration à laquelle on s'adonne durant ces dernières nuits, c'est la prière de nuit. Salatul layl, at-tahajjud, qiyamul layl, salatut tarawih. Cette adoration a une valeur immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais vous lire un passage du livre de Risalat ibn al-Qayyim, du livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, Risalat ibn al-Qayyim ila ahadi ikhwani, la lettre d'Ibn al-Qayyim à l'un de ses frères. Dans un chapitre, il nous parle du bonheur et des causes qui permettent aux serviteurs de l'atteindre. Et par la suite, il nous parlera de la prière. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, وَمِمَّا يَنْبَغِي الْاِعْتِنَاءُ بِهِ عِلْمًا وَمَعْرِفَةً وَقَصْدًا وَإِرَادَةً الْعِلْمُ بِأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ بَلْ كُلَّ حَيَوَانٍ إِنَّمَا يَسْعَى فِيمَا يُحَصِّلُ لَهُ أَلَذَّةَ وَالنَّعِيمُ وَطِيبَ الْعَيْشِ. Parmi les choses qu'il convient de savoir et qui doivent attirer notre attention, notre concentration et notre volonté, le fait de savoir que chaque personne et même chaque animal agit de façon à pouvoir profiter d'une jouissance et d'un délice, de bienfaits et d'avoir une belle vie. Il nous dit, et il recherche également à repousser tout ce qui contredit cela. Il nous dit que cette recherche et ce souhait est bon, authentique et légitime. Et il renferme 6 points. C'est-à-dire celui qui veut concrétiser cette joie qu'il recherche, ce bonheur escompté, il doit réunir 6 points. Le premier point, ma'rifatu shay'in nafi'il lil'abd, al-mula'imila. Le premièrement, savoir la chose qui est profitable pour le serviteur, la chose qui lui est favorable et qui lui convient. Alladhi yuhassilu lahu ladhatahu wa farahahu wa sururahu wa tiba 'ayshi. Ce qui va lui procurer la jouissance recherchée, sa joie, son allégresse et son bien-être. Le deuxième point, ma'rifatu at-tariq al-musilati ila dhalik, la connaissance du chemin qui le mènera à cette grande joie. Troisièmement, suluku tilka at-tariq, emprunter ce fameux chemin. Quatrièmement, ma'rifatu ad-dar al-mu'dhi al-munafir alladhi Quatrièmement, c'est la connaissance du contraire du premier point. C'est la connaissance de ce qui va lui causer du tort, de ce qui va lui nuire et repousser et éloigner de lui le plaisir, ce qui est susceptible d'empoisonner sa vie. Cinquièmement, ma'rifatu at-tariq allati idha salakaha afdat bihi ila dhalik. Cinquièmement, la connaissance du chemin qui, si il l'emprunte, du chemin menant à ce mal, à tous ces désagréments, à cette vie remplie de gênes et de difficultés. As-sadis, sixièmement, tajannubu sulukiha. Ne pas emprunter ce chemin, ne pas emprunter cette voie. Voici six choses, six conditions sans lesquelles la jouissance, sans lesquelles la joie, sans lesquelles le plaisir ne se concrétisera jamais, ne se concrétisera jamais sur le serviteur. Et plus il délaissera de ces points-là, moins il obtiendra ce plaisir recherché. Et ceux qui n'arrivent pas à... Ceux qui n'arrivent pas à atteindre ce but recherché, c'est soit du fait qu'ils le visualisent mal et n'en ont pas connaissance, soit du fait qu'ils ignorent le chemin qui y mène. Et ces deux fautes-là ont pour cause l'ignorance. Et le remède est la science. Par ailleurs, certaines personnes ont la connaissance, certaines personnes ont connaissance de ce plaisir, certaines personnes ont connaissance de ce chemin, mais il y a dans le cœur une faiblesse dans la volonté. Je disais donc que certaines personnes ont connaissance du bonheur, certaines personnes ont connaissance du chemin qui y mène. Mais dans le cœur, il y a des volontés qui sont mauvaises. Il y a des passions qui empêchent le serviteur de réaliser son but. Ces passions s'interposent entre le serviteur et son but louable. Ces passions s'interposent entre le serviteur et le fait d'emprunter ce chemin le menant à ce bonheur. Comment le serviteur va se délier de ces chaînes de la passion? Comment est-ce que le serviteur va affranchir son cœur et sa volonté de ces mauvaises choses qui sont pour lui telles du poison? Ibn al-Qayyim nous dit avec deux choses. Hubbun muta'alliq wa faraqun ay khawf muz'ij. Le serviteur va se sauver de ces mauvaises passions avec une de deux choses, ou les deux réunies. Premièrement, un amour très fort. Deuxièmement, une crainte dérangeante, une peur dérangeante. Quant au premier point, فَيَكُونُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ وَالْجَنَّةُ وَنَعِيمُهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ هَذِي الشَّهَوَاتِ. Ce remède, il faut le noter, il faut le mémoriser, il faut l'appliquer, il faut le propager, le faire connaître à la communauté et le rappeler. Cette phrase est extrêmement importante. Il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son messager, la demeure dernière, le paradis et ses délices, soit plus aimé aux serviteurs que ces passions-là. Il lui faut savoir qu'il ne pourra jamais unir entre les deux. Il ne peut pas unir entre les passions dans le haram et ce qu'on a mentionné. Il se doit donc de faire prévaloir l'une de ces deux choses mentionnées. Laquelle? Ce qu'il aime par-dessus tout, au-dessus de ce qu'il a aimé et affectionné. Ça, c'est le premier remède. Aimer Allah Azzawajal plus que tout. Aimer le prophète alayhi salatu wassalam au-dessus de l'ensemble des gens. Préférer ce qu'Allah a préparé au paradis comme délice, comme plaisir, à tout ce bas monde et ce qu'il renferme. Puis savoir qu'on ne pourra pas, unir entre les deux. Il faut faire un choix. Et celui qui est intelligent, celui à qui Allah a accordé la guidée, est celui qui aura préféré ce qu'il a aimé par-dessus tout et ce qui lui ramène le plus grand bien et lui évite le plus grand mal. Le deuxième point réside dans le fait de savoir qu'en assouvissant ses plaisirs et ses passions dans le haram, il sera touché par de grandes douleurs. Des douleurs qui sont plus fortes et plus nocives que la douleur d'avoir manqué l'assouvissement de la passion. Celui qui a pour passion le vol et la fornication, lorsqu'il n'arrive pas à voler une personne ou à commettre l'acte, le péché, ça lui fait mal. Ça lui fait mal et ça lui brûle le cœur de passion. Mais s'il se rappelle la douleur du péché, la douleur d'avoir à affronter son Seigneur Yom Al-Qiyamah avec ses péchés, la douleur de recevoir son livre le jour dernier de la main gauche de derrière son dos ou de trouver ces péchés-là dans ses feuillets, cette douleur-là, qui est bien plus durable, on doit la repousser. En supportant la douleur qui est moins grave, la douleur d'avoir manqué la passion dans le haram. Si ces deux connaissances, si ces deux états du cœur prennent place dans le cœur et s'enracinent, alors il fera les bons choix. Alors il fera les bons choix. Il donnera prévalence à ce qu'il a aimé par-dessus tout. Et il supportera la perte de ce qu'il a aimé affectionné, mais à un niveau moindre. Tout comme il supportera les douleurs qui sont les plus supportables, les moins nocives. Donc voici une base primordiale à assimiler. Où est donc la raison de celui qui a fait devancer et qui a préféré ce bas monde rempli de défauts, rempli d'imperfections, sans aucun doute, ils n'ont pas fait le bon choix. Celui qui donne précédence à une jouissance éphémère, naturellement mêlée d'amertume et d'aigreur, c'est une jouissance à l'image d'un rêve furtif ou un songe qui viendrait agiter une personne venue le visiter durant son sommeil, celui qui donne préférence à cela, sans aucun doute, il a eu un manque de raison. Comment est-ce qu'il peut préférer tout cela à une jouissance, une joie qui n'a pas d'équivalent, qui ne cesse de se perpétuer sans jamais prendre fin. Le paradis et les délices de l'au-delà ne s'arrêteront jamais, il n'y aura aucun interdit. Comment est-ce qu'il peut monnayer une telle jouissance par une autre qui est sur le point d'expirer et qui est vouée à disparaître? Kullu man 'alayha fan. Tout ce qui est sur la terre doit disparaître. Ce bas monde-là contient souffrance et il n'est acquis que par la souffrance et sa finalité n'est que souffrance. Ô combien est perdant celui qui aura échangé l'au-delà contre ce bas monde. Il devrait avoir honte de sa propre raison. Il devrait avoir honte de sa propre raison, de courir derrière, à plus forte raison, de l'échanger contre l'au-delà. Cet au-delà, au sujet duquel le prophète alayhi salatu wassalam nous décrit une partie en nous disant ma la ayn ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Le prophète sallam nous dit, Allah dit, j'ai préparé pour mes serviteurs ce que jamais des yeux n'ont vu, jamais des oreilles n'ont entendu et jamais un cœur n'a pu imaginer. Donc voici un point très important à comprendre. Plus loin, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: إذا عرفت هذه المقدمة après avoir compris cette introduction, فلذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه. Écoutez cette parole des plus importantes, des plus plaisantes, et Inch'Allah Ta'ala qui nous affectera dans le bien. Ibn al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala nous dit, après avoir compris cette introduction, sachez que la jouissance parfaite et le plaisir complet, ainsi que la joie et la belle vie, ne réside que dans la connaissance d'Allah. Ne réside que dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans son unicité, le fait de l'adorer seul, d'un culte sincère. Wal uns bihi, le fait de se sentir proche de lui. Wa shawqi ila liqa'i, dans le fait d'avoir un désir ardent de le rencontrer. واجتماعي القلب والهم عليه, et le fait de réunir l'entièreté du cœur dans ce sens-là et de n'avoir comme souci que le fait d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit ensuite rahimahullah ta'ala que le cœur, ou plutôt la vie la plus dérangeante, la plus gênante, la plus nocive, est la vie de celui qui a un cœur éparpillé et divisé. Éparpillé et divisé. Ses buts et ses souhaits sont divisés et éparpillés. Son cœur ne trouve pas le repos, ne trouve pas la tranquillité. Il ne trouve pas vers qui se réfugier. Il ne trouve pas vers qui trouver le bien et la tranquillité. Donc pour avoir le plaisir au point culminant, pour avoir la belle vie, la vie profitable et remplie de provisions, pour acheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, dans la demeure dernière, vers le Seigneur, pardonneur et miséricordieux, généreux et grand donateur, il faut connaître Allah dans ce bas monde et n'avoir d'autre but que d'avoir la plus haute place auprès de lui dans sa satisfaction et son agrément. Celui qui s'efforce d'atteindre cela, celui qui fait des efforts vers cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera le chemin. Et ce serviteur passera par des étapes, par des états du cœur qu'il n'imaginait même pas approcher dans ce bas monde. Qu'il n'imaginait même pas approcher dans ce bas monde. Un état extraordinaire de quiétude, d'apaisement, de joie, de jouissance, de contentement et de bonheur. Pourquoi ? Parce qu'il a pris Allah comme divinité unique. Pourquoi ? Parce qu'il a déchargé ses efforts dans le fait d'atteindre, d'apprendre, d'emprunter et d'atteindre le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala et à son agrément. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit فَهَذَا غَايَةُ سَعَادَةِ الْعَبْدِ وَصَاحِبُ هَذِي الْحَالِ فِي جَنَّةٍ مُعَجَّلَةٍ قَبْلَ جَنَّةِ الْآخِرَةِ وَفِي نَعِيمٍ عَاجِلٍ Ibn al-Qayyim nous décrit cet homme-là, cette femme-là, en nous disant « Celui qui se comporte ainsi, qui prend Allah pour divinité unique, Allah pour seul but, qui a un désir ardent de le rencontrer, qui fait passer Allah avant tout et ainsi de suite, il nous dit il goûtera au summum du bonheur. Et cet homme, cette personne-là sera dans un état qui est l'image de l'état d'une personne qui se trouve dans un paradis. Il dit même, c'est un paradis qui lui a été avancé dans ce bas monde avant le paradis de l'au-delà. Et c'est un plaisir qu'on lui a avancé. Comme certaines personnes qui ont goûté à cela disaient, comme certaines personnes parmi celles qui ont goûté à ce plaisir-là disaient, « Innahu la yamurru bil qalb, awqatun aqul, in kana ahlul jannati fi mithli hadha, fa innahum la fi aishin tayyib. » Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, certaines personnes disaient, « Mon cœur passe par des états, à certains moments, que je me dis, si les gens du paradis vivent dans cet état-là, alors ils vivent une belle vie. Alors ils vivent une belle vie. » Un autre disait, « Masakinu ahli dunya, kharaju minha wa madhaku atyaba ma fiha. » D'autres disaient, les plus à plaindre parmi les gens de ce bas monde sont ceux qui en sont sortis sans avoir goûté à la belle vie, sans avoir goûté au point le plus bon de ce bas monde-là. Au point le plus bon de ce bas monde-là. Qila lahu ma athyabu ma fiha. Il fut dit à cette personne, et qu'il est la plus bonne chose de ce bas monde-là. قال معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. الله أكبر. La personne a répondu, c'est la connaissance d'Allah, son amour, le fait de ressentir sa proximité, se sentir proche de lui et avoir un désir ardent de le rencontrer. Ibn al-Qayyim poursuit et dit, وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. Et il n'y a pas dans ce bas monde un plaisir, un délice, un bonheur ressemblant au bonheur et au plaisir des gens du paradis, si ce n'est celui-ci. Allahu Akbar. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, An-Nasa'i et autres, Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa' wa at-tib wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salah. Il m'a été fait aimer de votre bas monde les femmes et le parfum, mais la fraîcheur de mes yeux a été mise dans la prière. La chose que j'ai aimée le plus pour ce que c'est en soi, c'est la prière. Ainsi, on comprend que le niveau culminant de l'amour n'est pas accordé à toute chose affectionnée ou toute chose qu'on aime simplement. Mais il y a des degrés. Et ils traduisent Qurratu Ayn tantôt par la prunelle des yeux, tantôt par la fraîcheur des yeux. Al-Hasil ibn Qayyim nous dit que c'est le point le plus culminant. La chose qu'on aime en soi pour elle-même, pour ce qu'elle est. Et il dit cela n'est donné que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout autre que Allah, on l'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on ne l'aime pas avec Allah, ça c'est du shirk. On n'aime pas Allah et autre avec lui d'un amour adoration, ça c'est du shirk. Comme l'ont fait les associateurs, parmi les gens, il y en a qui prennent, qui assignent des égaux à Allah en les aimant. Comme on aime Allah. Quant à ceux qui ont la foi, les gens du tawhid, leur amour pour Allah est plus ardent parce qu'ils n'ont pas partagé leur amour entre Allah Azza wa Jal et les fausses divinités. Donc, il nous faut aimer Allah Azza wa Jal par-dessus tout. Le monothéiste, il aime ce qu'Allah aime parce qu'Allah l'a aimé. Et il déteste ce qu'Allah déteste parce qu'Allah l'a détesté. Et ce qu'il le fait, il le fait pour Allah. Et ce qu'il délaisse, il le délaisse pour Allah. Et si cet amour et cette inimitié s'installent dans le cœur, alors il y aura l'action ou le délaissement qui sera basé sur cela. Il sera fait pour Allah, il sera délaissé pour Allah. Et on donnera pour Allah et on privera pour Allah. Et ça n'est qu'ainsi que la foi se complétera, comme ça a été mentionné dans le hadith. Tout ça pour dire que pour atteindre le point culminant de cette vie agréable, de cet épanouissement, du bonheur recherché, il faut absolument connaître Allah Azza wa Jalla, l'adorer seul d'un culte sincère. Et passons maintenant à l'adoration par excellence qui va nous permettre de goûter à cela. L'adoration dans laquelle il y aura la perfection de la soumission à Allah Azza wa Jal. La perfection de la recherche de ce qui se trouve auprès de lui. Le délaissement de ce bas monde. Le fait de se consacrer pleinement à ce pourquoi nous avons été créés. L'adoration d'Allah seul d'un culte sincère. Ce qui va amener la tranquillité, la sérénité du cœur. Et des membres. Particulièrement en prosternation. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas un moment où le serviteur est plus proche de son Seigneur que lorsqu'il est prosterné à lui. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal, « Ya Bilal, arihna bis salah. Oh Bilal, tranquillise-nous par la prière. » Il fait l'appel à la prière afin qu'on entre dans cette action qui nous procurera ce bonheur parfait. Ce bonheur complet qui nous fait oublier tous nos soucis de ce bas monde, qui nous détourne de tout ce qui ne nous est pas profitable. Celui qui aime véritablement Allah Azza wa Jal et qui connaît l'adoration, Ibn al-Qayyim nous dit, Rahatuhu wa qurratu ayni fi salah. Son repos et son plaisir culminant se trouvent dans quoi? Dans la prière. Quant à celui qui est insouciant, qui s'est détourné, celui-ci n'a aucune part dans ça. Ibn al-Qayyim nous dit au contraire, pour lui, As-salatu kabiratun shaqqatun alayh, idha qama fiha ka'annahu ala jamrin, hatta takhallasa minha. Au contraire, celui qui se détourne de la prière, celui qui est insouciant, celui qui n'a aucune part de cela, il n'y a rien de plus lourd, de plus difficile pour lui que l'accomplissement de la prière. Lorsqu'il entre dans la prière, c'est comme s'il se tenait sur de la braise jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. Et la prière la plus aimée auprès de lui est la prière la plus rapide. La plus rapide. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas ce plaisir. Il ne trouve pas cette jouissance dans cette prière. Il ne trouve pas le repos dans son cœur en accomplissant cette prière. Quant à celui qui trouve le plus grand plaisir dans une chose, son repos se trouve à l'intérieur. Son repos se trouve à l'intérieur. Et sa lourdeur réside dans le fait de s'en séparer. Sa lourdeur, sa difficulté, quant à lui, c'est lorsqu'il finit cette prière, lorsqu'il s'en sépare, lorsqu'il en est privé. Donc, celui qui a le cœur vide du but d'Allah, de la demeure de l'au-delà, lui, il a été éprouvé par l'amour de ce bas monde. La chose la plus dure pour lui, c'est la prière. Et la chose qu'il déteste le plus, c'est la longue prière. Alors qu'il a le temps, la santé, et qu'il n'a pas d'occupation. Comme nous dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous livre un trésor. Et c'est le but en réalité promis de cette allocution. Mais alhamdoulillah. Ibn al-Qayyim nous dit « وَمِمَّا يَنْبَغِيَ يُعْلَمْ أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي تَقَرُّ بِهَا الْعَيْنِ وَيَسْتَرِحُ بِهَا الْقَلْبِ هِيَ الَّتِي تَجْمَعُ سِتَّةَ مَشَاهِدِ » Et parmi les choses qu'il nous faut savoir, c'est que la prière qui sera pour le serviteur « قُرَّةُ الْعَيْنِ » qui sera pour le serviteur « قُرَّةُ الْعَيْنِ » n'est pas toute prière. Ça n'est pas toute prière. La prière qui suscite le bonheur complet et dans laquelle le cœur se repose est celle à travers laquelle l'homme met en scène six états conjointement. L'homme doit réunir six états, six choses pour que cette prière-là devienne, comme vous avez entendu, sa plus grande joie. Sa plus grande jouissance, son bonheur intense. Combien sont ceux qui se plaignent de ne pas trouver la quiétude dans leur prière, la concentration. Je n'arrive pas à être bien dans ma prière. J'ai trop de ouest-ouest dans ma prière. Je ne suis pas endurant dans ma prière. Je ne trouve pas le goût dans ma prière. Au-delà du fait qu'il fasse délaisser les péchés, se repentir pour trouver ce goût-là, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit qu'il faut réunir ces choses. La première chose, et il est vraiment bon de noter ces points-là, de les comprendre, de les appliquer, de les propager à la communauté. Et qu'Allah fasse miséricorde à celui qui accordera de l'importance à sa prière et essayera d'aider la communauté en propageant ces sens-là. Al-mashhad al-awwal al-ikhlas. Le premier état à avoir, c'est la sincérité. وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit la sincérité. Donc tu vises Allah. La première chose à voir, c'est le fait de viser Allah. Il nous explique cela en disant sa motivation première, ce qui le motive à accomplir la prière, celui qui le pousse à faire cela, n'est rien d'autre que son désir d'atteindre Allah. L'amour d'Allah. La recherche de sa satisfaction. Le fait de vouloir être proche de lui. Sa proximité, le fait de chercher à être aimé par lui, le fait de vouloir obéir à son ordre. Voici ce qu'il doit viser dans cette prière. À un point tel qu'il n'agit pas pour obtenir une chose de ce bas monde. Mais il l'accomplit à la recherche du visage de son Seigneur, le Très-Haut. Par amour pour lui, par crainte de son châtiment, par espoir d'obtenir son pardon et sa récompense. Allahu Akbar. Voyez-vous, chers frères, chères sœurs, si dans la prière, on réunit ces points-là, Wallahi alladhi la ilaha ghayruh, par Allah, celui en dehors duquel nulle divinité n'est digne d'être adorée, que notre prière sera bouleversée. Et on observera dans celle-ci un changement radical. Et on pourra goûter, on pourra enfin savourer cette prière et comprendre comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réussissait à tenir debout en récitant Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa, Subhanallah, dans une prière ou dans une raka'a. Et dans d'autres hadiths, plus que cela, Sab'at Tiwal. Naam. Et si vous lisez ce que le prophète sallam et les compagnons lisaient en prière, et ce que les pieux prédécesseurs ont lu en prière, et combien d'heures durant la nuit ils restaient en prière, debout, prosternés, inclinés, Allahu Akbar. Mais en lisant cela, en comprenant cela, voici la clé. Voici le secret du succès. المشهد الثاني, le deuxième point. مشهد الصدق والنصح. C'est, donc après avoir mentionné le premier point, voué exclusivement l'accomplissement de sa prière à Allah. Le deuxième point, c'est la véracité et l'intégrité. La véracité et l'intégrité. En français, c'est proche de la sincérité. Pour parler en bon français. Mais comme il est communément utilisé pour l'ikhlas, j'ai mentionné un autre terme. Ibn al-Qayyim nous explique cela en nous disant « وَهُوَ أَنْ يُفَرِّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ فِيهَا وَيَسْتَفْرِغَ جُهْدَهُ فِي إِقْبَالِهِ فِيهَا عَلَى اللَّهِ » Ibn al-Qayyim nous dit « Il s'agit pour la personne durant la prière de libérer son cœur pour Allah et le vider de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et de décharger l'entièreté de ses efforts pour se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit réserver son cœur pour l'accomplissement de cette prière. Afin de la mettre en pratique sous sa meilleure apparence, sous sa meilleure forme. Que ce soit yani, tant sur le plan extérieur que intérieur. فَإِنَّ الصَّلَاةَ لَهَا ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ Ibn al-Qayyim nous enseigne une chose très importante. Il nous dit, en effet, la prière présente deux aspects, un extérieur et un intérieur. Un aspect extérieur, un aspect intérieur. Puis il nous dit, فَظَاهِرُهَا الْأَفْعَالُ الْمُشَاهَدَةُ وَالْأَقْوَالُ الْمَسْمُوعَةُ La partie apparente, son aspect extérieur est constitué par les actes qu'on voit et les paroles qu'on entend. Wa batinuha al-khushu'u wal-muraqabatu wa tafrighu al-qalbi lillah wal-iqbalu bil-kulliyati 'ala Allah fiha bihaythu la yaltafitu qalbuhu 'anhu ila ghayri. Quant à l'aspect intérieur, quant à l'aspect intérieur, et c'est le plus important, c'est le recueillement. Avoir conscience qu'Allah nous surveille, libérer son cœur de toute pensée pour le lui réserver. L'intérieur, la partie intérieure, c'est le recueillement. C'est le fait de ressentir qu'Allah nous surveille lorsqu'on prie. C'est le fait de vider son cœur de tout autre qu'Allah Azza wa Jalla pour se concentrer uniquement dans cela. Et diriger son cœur avec son entièreté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, son cœur ne se dirige vers nul autre qu'Allah. فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الرُّوحِ لَهَا وَالْأَفْعَالُ بِمَنْزِلَةِ الْبَدَنِ. Écoutez bien cette belle parole. Juste, surtout. Ceci à la place de l'âme, et cela à la place du corps. C'est-à-dire l'aspect intérieur, il le fait ressembler à l'âme, et l'aspect extérieur, il le fait ressembler au corps. Si le corps se voit arraché ou vidé de son âme, alors il n'y aura pas de vie dans ce corps-là. Le serviteur n'a-t-il pas honte de se diriger vers son maître de la sorte? Celui qui enlève l'âme de la prière est semblable à celui qui a un corps sans âme. أَفَلَا يَسْتَحِي الْعَبْدُ أَنْ يُوَاجِهَ سَيِّدَهُ بِمِثْلِ هَذَا أَوْ بِمِثْلِ ذَلِكَ. Ibn al-Qayyim nous dit, le serviteur n'a-t-il pas honte de se présenter devant son Seigneur avec une telle prière? C'est pour cela que cette prière sera enroulée comme un vêtement et jetée à la face de son auteur en lui disant qu'Allah t'abandonne ou te néglige tout comme tu m'as négligé. Qu'Allah te fasse perdre tout comme tu m'as fait perdre. Ou tout comme tu m'as perdu. On dit qu'Allah te néglige, je ne sais pas si c'est une expression adéquate. On dit dhayyaka. On dira ici qu'Allah t'abandonne. Tout comme tu m'as négligé. Quant à la prière, dont le serviteur a concrétisé l'aspect extérieur et l'aspect intérieur, cette prière monte vers Allah avec une lumière. Avec une lumière, c'est une preuve pour le serviteur. Elle est illuminée à l'image de la lumière du soleil, jusqu'à ce qu'elle soit présentée à Allah et qu'Allah l'agrée et l'accepte. Et qu'on lui dise qu'Allah te préserve tout comme tu m'as préservé. Ces paroles-là sont prises de différents hadiths. Certaines paroles ici sont dans des hadiths authentiques et d'autres faibles. Al-Mashhad al-Thalith. مشهد المتابعة والاقتداء. Le troisième état qu'il faut avoir pour atteindre ce niveau dans la prière, pour savourer cette prière et faire en sorte que la prière devienne notre bonheur le plus grand dans ce bas monde, plus grand plaisir, c'est le fait de se conformer, c'est le fait de suivre le prophète sallam et de le prendre pour exemple. C'est le fait de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de le prendre pour exemple. Ibn Qayyim explique et dit, il doit fournir tous ses efforts et veiller rigoureusement à prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour modèle dans sa prière. Car il nous dit, sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu, priez. Et il doit s'éloigner de toute innovation religieuse, que ce soit dans la prière ou dans autre chose, il ne doit pas ajouter dans la religion d'Allah. Et il ne doit pas enlever de choses de la religion d'Allah. Il ne doit pas apporter de nouvelles paroles non prononcées par le prophète, alayhi salatu wassalam, ni mentionnées par les compagnons. Mais il doit, et aussi, il ne doit pas accepter de ceux qui disent il n'y a pas de mal ou il y a de bonnes innovations. Mais il doit uniquement se restreindre à ce qui lui est parvenu de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est son prophète, c'est son messager, c'est son exemple. Pourquoi est-ce qu'il va laisser la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam pour dire oui mais un tel a dit, oui mais un tel a fait? Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarad » Quiconque apporte une nouveauté dans notre ordre alors qu'elle n'en fait pas partie sera rejeté. C'est l'interdiction de toute innovation religieuse dans ce hadith. Allah nous dit dans le Coran « Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum » Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. « Wala tattabi'u min dunihi awliya » Et ne suivez pas en dehors de lui d'autres alliés. Allah nous dit dans cette partie du verset « Wama aatakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu » Et ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le, ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Abstenez-vous-en. Donc le serviteur doit apprendre à faire la prière comme le prophète alayhi salatu wassalam. Ça ne suffit pas de dire « ça fait 30 ans que je prie, je ne vais pas apprendre maintenant ». Ça ne suffit pas de dire « je suis trop âgé » ou « je suis trop âgé » ou « trop jeune » ou « non ». Est-ce que tu as appris à la lumière des versets des hadiths ? Non, alors apprends et corrige. Apprends et corrige. Nous qui présidons la prière pour les gens à la mosquée, on révise de temps à autre, on voit qu'on a oublié certaines invocations ou bien certaines sunanes ou positions de main dans telle ou telle position. À plus forte raison, celui qui n'a jamais étudié. Et parmi les meilleurs livres que je vous recommande, c'est Sifatu Salatin Nabi sallallahu alayhi wa sallam du grand savant Muhammad Nasir Din al-Albani rahimahullahu ta'ala. Il a un livre qui s'intitule « La description de la prière du prophète ». Tout le monde doit avoir ce livre-là. Il y a le résumé, il y a le plus long. Et ainsi, on corrige notre prière. On corrige la prière des parents, la prière des enfants, de l'épouse, des amis, et ainsi de suite. Barakallahu fikum. Beaucoup de gens sont à l'étape de chercher les cadeaux du Eid. Voici un excellent cadeau. Le livre de Sheikh Al-Albani, rahimahullah, la description de la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut prier comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, certains, lorsqu'ils entrent dans la prière, disent « Salatul Asr »« Salatul Maghrib » Ils disent en attention à vote. Ceci n'est pas légiféré, ceci n'est pas bon. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a jamais fait. Les compagnons ne l'ont jamais fait. Donc nous, on doit laisser ça, on ne doit pas le faire. Par exemple, certaines personnes prient les bras ballants le long du corps. Ils ne tiennent pas avec la main droite, la main gauche ou le poignet gauche. Ils laissent les bras le long du corps. Ça, ce n'est pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Dans les hadiths authentiques, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait la main ou tenait le poignet. Et il mettait cela en bas de sa poitrine. Donc, il faut apprendre, il faut demander à ceux qui savent. Jazakumullahu khayra. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et n'écoute pas ceux qui disent « Oui, mais eux, ils sont trop durs. Oui, mais lorsque la personne te dit fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il aime pour toi le bien. Ça veut dire qu'il t'a aimé, ça veut dire qu'il t'a conseillé, ça veut dire qu'il a été véridique, qu'il t'a dit la vérité. Ça veut dire qu'il te guide sur le chemin du paradis, sur le chemin d'Allah, sur le chemin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le chemin du Coran. Quant à celui qui te dit fais comme tu veux, c'est pas grave. Et eux sont trop durs, et ceci et cela, c'est pas la personne qui t'a aimé pour Allah. C'est pas la personne qui t'a aimé pour Allah. Celui qui te fait peur d'Allah dans ce bas monde pour que tu rencontres Allah avec la sécurité, c'est meilleur que celui qui te rend distrait de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui te laisse faire tout ce que tu veux. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dit il ne faut pas faire attention à ceux qui disent nahnu muqallidun li madhhab fulan. Nous, on suit le madhhab de un tel. On fait que comme ça. Même si le roi sallam a dit ça, ils disent non, notre imam a dit comme ça, ou non, le shir a dit comme ça, ça suffit. Subhanallah. Ça, c'est pas une excuse, il nous dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Parce qu'Allah t'a ordonné d'obéir à Allah, d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il t'a pas ordonné de suivre quelqu'un d'autre. Et on obéit aux autres que quand il nous ordonne de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. toute personne en dehors du prophète sallam, on peut rejeter sa parole si elle n'est pas en conformité. Si elle n'est pas en conformité. Allah a juré, subhanahu wa ta'ala, qu'on ne sera pas des véritables croyants tant qu'on ne prendra pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour juge dans toutes nos affaires et qu'on n'acceptera pas son jugement en s'y soumettant sans avoir de gêne dans le cœur. Allah Azza wa Jal nous informe dans le Coran qu'on va être questionné sur notre suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyama. Mada ajabtumul mursalin. Dans surat al-Qasas, qu'avez-vous donc répondu aux messagers, au pluriel? Allah va nous questionner sur ça. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. Dans surat al-A'raf, même les prophètes seront questionnés, nous sera questionné, nous qui avons reçu les messagers. On interrogera ceux qui ont reçu les messagers et on interrogera ceux que nous avons envoyés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que dans notre tombe, on sera interrogé sur lui. Donc ce n'est pas sur autre que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam que tu seras interrogé dans ta tombe. Il faut apprendre la sunnah. Il faut suivre la voie des gens de la sunnah. Il faut aimer le hadith plus que la parole des gens. Et il faut préférer le hadith à la parole des gens. N'adhère pas aux sectes, aux groupuscules. Ne t'accroche pas à une voie en dehors de la voie du prophète alayhi salat wa salam. Certains suivent al-Shi'a. Certains suivent al-Mu'tazila. Certains suivent al-Ahbash ou al-Ibadiyya. Certains suivent al-Khawarij. Certains suivent al-Ikhwan al-Muslimin. Certains suivent al-Tabliriyoun, Jama'atul Da'wa. Certains suivent al-Dawa'ij. Certains suivent. Tout cela, c'est faux. Il faut suivre que la sunna. Il ne faut pas se diviser, faire des groupes et sortir de la voie du prophète alayhi salatu wa salam. Que reste avec ahli sunnati wal jama'a, ceux qui ont suivi la voie des pieux prédécesseurs. Quant aux autres, ils se sont divisés et se sont égarés. Allah Azza wa Jal nous a interdit de faire partie de ceux qui ont divergé, qui se sont divisés. Naam. Toute secte et toute innovation en islam, c'est faux et c'est blâmable. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les voies, les sentiers. Allah Azza wa Jal nous donne cet ordre et nous donne cet interdit. الْجَمَعَةُ رَحْمَةُ وَالْفُرْقَةُ عَذَابُ. L'union, c'est la miséricorde. La division, c'est le châtiment. Le al-mashhad al-rabi', mashhad al-ihsan, le quatrième état dont on doit se doter pour avoir le grand bonheur dans la prière, c'est l'aspect ou le degré de l'excellence. Le degré de l'excellence. Wa huwa mashhad al-muraqaba. Ibn Qayyim nous dit c'est le fait de ressentir qu'Allah nous surveille. Ou le fait d'adorer Allah comme si on le voyait. Wa huwa ya'budu Allah kanahu yarah. Wa huwa al-mashhad. Wa hadha al-mashhad innama yansha'u min kamal al-iman billahi wa asma'ihi wa sifatihi hatta kanahu yara Allah subhanahu fawqa samawati mustawiyan 'ala 'arshi yatakallamu bi amri wa nahyi wa yudabbiru amra al-khaliqa fayanzilu al-amru min 'indihi. Fayanzilu al-amru min 'indihi wa as'adu ilayhi. وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه فيشهد ذلك كله بقلبه ويشهد أسماءه وصفاته ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو فوق عرشي لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم بل يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. Ibn Qayyim rahimahullah nous dit de la façon la plus belle que ce degré-là résulte de la perfection de la foi du serviteur en Allah, en ses noms et ses attributs. Il atteint le niveau comme s'il voyait Allah, exempt soit-il de tout défaut et de toute similitude avec ses créatures. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il le voyait, élevé au-dessus de son trône. Élevé au-dessus de son trône. Élevé au-dessus des cieux, élevé au-dessus de son trône. Il parle en donnant des ordres, ou ordonnant et interdisant. Il gère ce qui est relatif à sa création. Il gère les affaires de l'ensemble de ses créatures. Les ordres descendent de sa part et remontent, et les choses remontent vers lui. Les œuvres des serviteurs lui sont présentées, de même que les âmes lors de leur mort. Il témoigne de tout cela. Il a pleinement conscience de tout cela comme s'il le voyait, avec son cœur. Avec son cœur, il témoigne des noms d'Allah, les attributs d'Allah. Il témoigne d'un Seigneur qui gère tout, sans lequel rien ne peut subsister, qui lui subsiste par lui-même. Il témoigne d'un Seigneur vivant, audient, clairvoyant, puissant, sage, qui donne des ordres et des interdits, qui aime et qui déteste, qui agrée et qui se courrousse. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il décide ce qu'il veut. Il juge par ce qu'il veut. Il est au-dessus de son trône, mais rien de ses serviteurs ne lui est caché parmi leurs actions, leurs paroles et même leur intérieur. Bien au contraire, il est même savant de la trahison du regard et du contenu des poitrines. Ce niveau-là, l'ihsan, l'excellence, le fait d'adorer Allah comme si on le voyait, c'est la base des actions du cœur. Et il engendre forcément la pudeur. Lorsque le serviteur atteint cet état, il sublime ou plutôt il vénère son Seigneur, immensifie son Seigneur. Ça engendre dans son cœur la crainte, l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, la crainte révérentielle qui est basée sur une connaissance, l'amour d'Allah, le retour vers Allah avec le repentir, le délaissement des péchés, le fait d'accourir vers lui. Ça engendre tawakkul ala Allah, le fait de compter pleinement sur Allah et d'avoir confiance en lui. Ça engendre le fait de se soumettre à lui, de se rabaisser face à lui, de se tenir humblement devant lui. Ça coupe le chemin aux insufflations sataniques, à l'waswas, aux perturbations de l'esprit. Ça amène le serviteur à canaliser son cœur et ce qu'il recherche, c'est-à-dire uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Toute son attention est pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn al-Qayyim nous dit, فَحَظُّ الْعَبْدِ مِنَ الْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ عَلَى قَدْرِ حَظِّ مِنْ مَقَامِ الْإِحْسَنِ وَبِحَسَبِهِ تَتَفَاوَتُ الصَّلَةِ حتى يكون بين صلاة رجلين من الفضل كما بين السماء والأرض. وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. il finit ce quatrième point, ce quatrième état en disant: le niveau de la prière, ou plutôt le niveau de la proximité du serviteur d'Allah, dépend du niveau qu'il a dans l'excellence, dans ce qu'on a décrit ici, le fait d'adorer Allah comme s'il le voyait. Et en fonction du ihsan, il obtiendra un degré dans sa prière. Ainsi, deux hommes peuvent faire une prière, et la différence entre les deux dans la récompense est semblable à la différence entre le ciel et la terre. Alors que leur station debout, alors que leur inclinaison, alors que leur prosternation est la même. Tous deux se tiennent debout, tous deux s'inclinent de la même manière, tous deux se prosternent de la même manière, et la récompense est différente comme l'espace qu'il y a entre le ciel et ce bas monde. Subhanallah. Ainsi, on comprend que le point le plus important est le cœur et sa purification, puis le remplir de bien. Al-Mashhadul Khamis, Mashhadul Minna. Là, on va rentrer dans des points, comme nous dit Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, Najdi, ce sont des points que on a trop ignorés. Ce sont des points qui sont trop ignorés. On n'y pense même pas. On n'y pense même pas pour certains. Mashhadul Minna, wa huwa an yashhada anna al-minnata lillahi subhanahu. Le cinquième point, le cinquième état, c'est de reconnaître que la grâce tout entière appartient à Allah. C'est pas grâce à nous. Le bienfait, c'est le bienfait d'Allah sur nous. La grâce, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. Il s'agit de reconnaître le bienfait d'Allah qui nous a amenés à cette situation. De reconnaître que c'est grâce à Allah. كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته هذه منة الله. الله أكبر. Tu dois ressentir et reconnaître, tu dois témoigner que le fait d'avoir pu te tenir debout dans cette prière, le fait qu'on t'ait préparé et qu'on t'ait aidé à accomplir cette prière, le fait que ton corps ait pu être utilisé au service d'Allah, pour l'adoration d'Allah, ben c'est que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'est pas grâce à moi, pas grâce à toi. C'est grâce à Allah uniquement. Tu dois ressentir que sans Allah, rien de tout cela n'aurait pu se produire. فَلَوْ لَلَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. Et les compagnons disaient: par Allah, si ce n'était lui la bonne voie, nous n'aurions emprunté, ni aumône n'aurions donné, ni n'aurions prié. Et tout ça, c'est grâce à Allah, Azza wa Jal. La guidée à l'islam, les aumônes données, la prière accomplie. Donc, on doit reconnaître que lorsqu'on se tient debout, lorsqu'on fait le wudu, lorsqu'on se prépare pour la prière, lorsqu'on dit Allahu Akbar, quand on récite Al-Fatiha du Qur'an, lorsqu'on s'incline, on proclame la grandeur d'Allah, lorsqu'on se prosterne, on proclame l'élévation d'Allah, lorsqu'on est entre les deux prosternations, qu'on demande pardon à Allah, lorsqu'on est assis et qu'on proclame l'unicité d'Allah, tout cela, Wallahi al-Azim, thumma Wallah, que c'est que grâce à Allah. Que c'est que grâce à Allah. subhanahu wa ta'ala. Et sans Allah, personne parmi nous aurait été sur l'islam. Sans Allah, personne parmi nous aurait été sur l'islam. Sans Allah, personne parmi nous aurait pu connaître la purification. Sans Allah, personne parmi nous aurait pu accomplir la prière. Sans Allah, personne parmi nous n'aurait pu suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, celui qui a compris cela, celui qui a réellement compris ce que signifie « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », c'est toi seul que nous adorons et auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Celui qui a réellement compris « La hawla wa la quwwata illa billah » sera celui qui accomplira la meilleure prière et qui aura le meilleur état dans la prière. Parce qu'il va savoir que tout ce qu'il a n'est que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Wahhab, Al-Mu'til Mani'a. Allah subhanahu wa ta'ala, le grand donateur, celui qui donne et celui qui retient. Celui qui donne avec largesse et celui qui restreint. Celui qui nous a guidés à cet islam parfait. Celui qui nous a légiféré ce jeûne complet. Ce jeûne à travers lequel on atteint avec l'aide d'Allah la piété. On bouleverse nos vies. On change. On délaisse le haram. On prend goût au halal. On s'éduque sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et le fait de répondre à son appel et l'appel du messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un point extrêmement important, mais malheureusement ô combien ignoré par bon nombre d'entre nous. Et pour ceux qui le savent, très oublié. Yani vraiment oublié la plupart du temps. Allahu musta'an, Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allah nous dit dans le Coran, yamunnuna alayka an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Dans sourate al-Hujurat. Ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. On ne doit pas dire, oui mais moi j'ai, oui mais moi je fais, oui mais, subhanallah, c'est Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui nous a comblé de tout cela, c'est pas grâce à nous. Celui qui embrasse l'islam, il ne doit pas constamment dire aux gens, je suis converti, dans le sens où c'est comme si il mentionnait cela comme une grâce de sa part sur l'islam. Non, c'est l'islam qui t'a comblé en te permettant d'être musulman. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a honoré en te permettant d'être musulman. C'est pas toi qui vas venir mentionner ta faveur, ta grâce sur l'islam ou aux gens, subhanallah. En fait, on doit faire attention à cela. Le fait d'être guidé à l'islam, c'est un honneur qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé. À nous de nous élever dans cela. À nous d'honorer cela. À nous d'étudier cet islam et de le mettre en pratique. Et pour connaître l'islam, ne regarde pas à droite à gauche sur les gens. Regarde le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regarde comment ont compris les compagnons d'islam. Apprends cela et applique-le. Et peut-être qu'avec après un an d'islam, tu seras meilleur que l'imam qui préside la prière dans la mosquée. Donc, on se rappelle que la grâce, c'est la grâce d'Allah. Que c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on accomplit cette prière. Et pendant Salat al-Tarawih, pendant les prières de nuit, on doit se rappeler ce bienfait-là. Peut-être qu'en accomplissant la prière du Asr ou du Maghrib, le serviteur n'est pas trop touché par ce waswas du shaitan, qui lui dit, Mashallah, tu pries longuement, tu te lèves tôt, tu te couches tard pour la prière. Subhanallah. Mais pour la prière, Salat al-Tarawih, pour la prière de nuit, il se peut que shaitan vienne au cœur du serviteur, à l'oreille du serviteur, et lui murmure, Mashallah, tu es trop fort, tu es endurant, tu es pieux. Ah, je pense pas que tes voisins arrivent à faire autant que toi. Je ne pense pas que les gens à la mosquée, durant le confinement, arrivent à faire aussi longuement que toi cette prière. Masha'Allah, oh combien tu es fort. Oh, ta récitation est trop belle. Tu pleures dans chaque verset sur l'enfer et le paradis. Il n'y a pas plus pieux que toi dans le bâtiment, ou dans la zone pavillonnaire, ou dans le pays, ou bien dans la ville. A'oudhou billah de trouver ces choses-là dans ton cœur. On doit chercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Wa ma yudrik. Et qui te dit que la maman, la voisine, tu ne l'entends pas, mais elle est prosternée en train de pleurer pour Allah subhanahu wa ta'ala par peur de ses péchés et de manquer le paradis. Qui te dit que l'épouse du voisin n'est pas en train de résister à voix basse et elle prie des heures durant, hizb après hizb? Son but n'est pas de finir le Coran, mais son but est de comprendre les ordres d'Allah pour voir si elle les applique, de comprendre les interdits d'Allah pour voir si elle les a bien délaissés, de connaître la description du paradis pour avoir encore plus de détermination dans sa recherche. Méditer les versets de l'enfer pour être encore plus effrayé de la désobéissance d'Allah Azza wa Jalla et de son courroux. Est-ce qu'on sait si Allah acceptait de nous? Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah n'accepte que des gens pieux. Pieux au moment de faire l'action. Donc on ne doit pas tomber dans la vanité. On ne doit pas s'enorgueillir. On ne doit pas être satisfait de nos faibles actions. Et si, pendant le mois de Ramadan, tu as prié une heure, deux heures, même trois, où étais-tu dans les autres mois? Et si tu vois telle femme dormir ou tel homme dormir et prier 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, une heure, et que toi tu arrives à en faire, à prier des heures et réciter bien plus longuement, ces gens-là étaient réveillés à l'heure du Fajr. Où étais-tu toi dans l'année à la prière du Fajr? Naam, dans l'action la plus aimée d'Allah, c'est-à-dire la prière obligatoire, à l'heure. Donc on doit casser cet élan que Shaitan veut nous donner lorsqu'on fait plus qu'habituellement. Subhanallah. Et quand bien même on prierait toute la nuit, qu'est-ce qu'on a avancé comme péché avec? Et est-ce qu'Allah a accepté cela? Est-ce qu'on a vraiment été sincère? Est-ce qu'on l'a vraiment fait comme le prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'on a recherché que l'agrément d'Allah Azza wa Jalla et sa noble face à travers ses actions? Restons humbles entre l'espoir et la crainte, le cœur rempli d'amour et d'espoir en Allah Azza wa Jalla. Ibn al-Qayyim nous dit: Fallahu subhanahu alladhi ja'ala al-muslima musliman wal musalli musalliyan kama qala al-Khalil alayhi salam Rabbana waj'alna muslimayni laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa qala rabbi ij'alni muqima as-salah wa min dhurriyyati. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma irfa' darajati fil jannah. On demande à Allah de pardonner Ibn al-Qayyim et de lui accorder une grande place au paradis. Ô combien il a transmis de nobles connaissances. Wal fadl wal minna lillahi azza wa jalla. Et dans tout cela, la grâce est Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn al-Qayyim nous dit, rahimahullah ta'ala: Allah est celui qui a fait du musulman un musulman, du prieur un prieur, comme l'a dit celui qu'Allah aimait au plus haut point, Ibrahim alayhi salam, Khalil al-Rahman, en se référant au verset 128 de Sourate al-Baqarah et au verset 14, ou plutôt et au verset 40 de Sourate Ibrahim, la traduction des sens approximatifs de ces deux versets. Ô notre Seigneur, fais de nous deux, yani Ibrahim et Ismaïl, des musulmans, des soumis à toi. Et dans notre descendance, une communauté soumise à toi, des musulmans. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir. Car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir, le très miséricordieux. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la prière la salat, ainsi que ma descendance. Ô notre Seigneur, exauce ma prière, mon invocation. Allahu Akbar. Ibrahim alayhi salam, kasir al-asnam, Khalil al-Rahman, Abu al-Anbiya, Ibrahim le père des prophètes, celui qui a cassé les idoles avec sa main, celui qu'Allah Azza wa Jalla a aimé à ce point. Il demande à Allah Azza wa Jalla de faire de lui un musulman, de faire de son fils un musulman, de faire de sa descendance des musulmans. Il sait que c'est que grâce à Allah qu'on peut être sur l'islam et mourir dessus. Il demande à Allah Azza wa Jalla de faire de lui une personne qui accomplira la prière. Allahu Akbar. De faire en sorte que ses enfants accomplissent la prière. Allahu Akbar. Qui parmi nous demande à Allah de faire de lui un vrai musulman, de faire de lui une personne qui fait réellement la salat? Qui demande à Allah que ses enfants fassent cette salat? Subhanallah. Qui demande à Allah de faire en sorte que ses enfants soient la fraîcheur de ses yeux? C'est-à-dire de les voir grandir dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, parmi les grands bienfaits qu'il a donnés à son prophète Yaqub, après l'avoir éprouvé, subhanallah, au prophète Ibrahim, alayhi salam, après l'avoir éprouvé par le fait de ne pas avoir d'enfants, il lui a accordé des enfants après avoir atteint un âge avancé, Ismaïl puis Ishaq, de son épouse Sarah, radiallahu anha, qui avait atteint un âge avancé, qui était stérile. Allah Azza wa Jal lui envoie des anges qui lui annoncent la bonne nouvelle. Non seulement qu'il va avoir un enfant, mais qu'il verra ses enfants dans le bien et qu'il verra des petits-enfants. Parmi les bienfaits d'Allah, le fait qu'il t'accorde des enfants, mais qu'il te garde en vie, que tu vois tes enfants dans le bien et tu vois même leurs enfants, subhanallah. Et parmi les choses par lesquelles Allah Azza wa Jal m'a comblé, le fait qu'il m'ait accordé, ma mère rahimahallah, sur l'islam, et qu'il me fit voir son visage et sa grande joie profonde lorsqu'elle voyait mon seul fils qu'elle ait connu, Ismaïl, devant elle alors qu'il était enfant. Elle nous empêchait même de le disputer. Rahimahallah. Allahumma ghfir laha warhamha. Allahumma ghfir laha warhamha. ونور قبرها وارفع درجاتها في الفردوس الأعلى كما ربتني صغيرا. J'invoque Allah Azza wa Jalla afin qu'il l'élève en degré dans les hauts degrés du Firdaus avec nous-mêmes et nos parents et notre descendance et qu'il lui pardonne. Tout comme elle a été la cause de ma salat, Jazakallahu khayran, et de beaucoup de khayr dans ma vie. Achah, et tout ça pour vous dire que j'ai vu sur elle la joie profonde d'une femme à qui Allah accorde un enfant, puis elle voit de cet enfant ses enfants. Je n'ai pas souvenir dans ces 50 années qu'Allah Azza wa Jal lui a accordées, de la voir se réjouir plus, yani, j'ai très très peu de souvenirs de la voir, yani, vue dans une joie plus extrême que celle-là, de voir son petit-fils jouer devant elle. Na'am. Allah Azza wa Jalla a accordé cela à Ibrahim après avoir atteint un âge très avancé. Na'am. Il lui a annoncé Ishaq, wa min wara'i Ishaq Ya'qub, et après Ishaq Ya'qub. Comment était Ishaq? Comment était Ya'qub? Comment était Youssouf alayhi salam? Al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim. Tu dois demander à Allah, tu dois invoquer Allah, une descendance pieuse. Et dans la dua des serviteurs du Tout Miséricordieux, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ô notre Seigneur, accorde-nous, fais-nous don dans nos épouses et nos enfants la fraîcheur des yeux. Et fais de nous des imams pour les pieux. Yani, permets-moi de les voir dans ton adoration et que ça me procure le bonheur le plus intense. فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته وكان هذا من أعظم نعمه علي. ابن القيم رحمه الله تعالى nous dit: l'homme doit reconnaître que la grâce tout entière est de la part d'Allah seul quant au fait qu'il ait fait de lui un serviteur qui se maintient dans son obéissance, dans son adoration. Et que ceci fait partie des plus grands bienfaits par lesquels Allah l'a comblé. Allah dit dans son livre, dans Sourate An-Nahl, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Il nous dit aussi, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانِ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً. Mais c'est plutôt Allah qui vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. Grâce à Allah. Grâce à Allah et son bienfait. La grâce d'Allah et son bienfait. Donc on doit reconnaître tout cela. On doit reconnaître tout cela. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد. وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: cet état est l'état le plus important et le plus salutaire et le plus profitable pour le serviteur. Et plus le serviteur concrétise l'unicité de son Seigneur, plus sa part de cet état sera complète. Wamin al-Fawaid, puis il nous dit, parmi les avantages de cette station-là, cet état-là, reconnaître que tout est grâce à Allah, c'est que ça va être un rempart entre toi et le fait de t'étonner de ton, d'être émerveillé par ta bonne action ou ta propre personne. Tu vas plutôt reconnaître que c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui t'a accordé la réussite et c'est lui qui t'a guidé. Tu vas reconnaître tout cela. Toute la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le bien est dans sa main. Et cela compte parmi les plus, yani les meilleures formes d'unicité. Et va te protéger de la vanité et d'être émerveillé par tes actes. Tu n'entendras pas se vanter et dire: moi j'ai fait grâce à moi et je. Non. Voici l'action qui va être élevée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, parmi les grands bienfaits de cet état, le fait qu'il va faire revenir la grâce et la louange à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui le mérite. Il va dire Alhamdulillah, c'est grâce à Allah. Il ne va pas voir pour lui-même de mérite, ni qu'il mérite des éloges ou des louanges. Non, tout cela est pour Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est que grâce à lui qu'il a obtenu tout ce bien-là. Et tout ce bien est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu vas concrétiser le tawhid, plus tu vas reconnaître cela. Même lorsqu'une personne a une chose dans la main qu'elle te la met dans la tienne, rappelle-toi que c'est Allah qui l'a guidé. Cela remercie Allah azza wa jalla avant tout. Et ne dis pas: sans toi je n'aurais jamais eu cela. Grâce à toi je dis Alhamdulillah. Puis tu remercies la personne. Mais tu n'exagères pas à son sujet. Donc voici le chemin à emprunter dans ce bas-monde. Et si l'homme ne ressent pas ça, il n'aura aucun bien et aucun délice dans les actes d'adoration. Et dans le cas contraire, laisse-les manger, jouir un temps et être distrait par l'espoir, car bientôt ils sauront. Pour finir, Ikhwan al-Kiram, ça a été un peu long. Al-Mashhad al-Sadis, Mashhad al-Taqsir. Sixièmement, considérer l'imperfection de nos œuvres. Considérer nos œuvres comme ayant des défaillances. Malgré tous ces efforts-là, tu dois considérer que c'est pas assez. C'est pas assez bien. Il y a des défauts, des défaillances. Malgré tous les efforts que tu puisses faire, tu peux t'efforcer au maximum de ne pas faire l'acte, sache qu'il y a des négligences. Sache qu'il y a des imperfections. Et sache surtout qu'Allah mérite bien mieux que cela. Parce qu'Allah est parfait, il mérite la perfection, mais on ne saurait l'atteindre. Allah Azza wa Jal mérite la perfection de la servitude et nous sommes imparfaits. Ne vois-tu pas que ceux qui étaient au service des rois travaillaient pour eux en s'efforçant d'être à la perfection parce qu'ils les immensifiaient, les considéraient et avaient de la pudeur envers eux et les redoutaient. Leur travail, ils se déchargeaient dedans. Que dire alors du roi des rois, du seigneur des mondes et de la terre, des cieux et de la terre? Il est plus en droit qu'on lui donne la servitude parfaite et complète. Le serviteur doit reconnaître qu'il n'a pas adoré Allah comme il le mérite. Et qu'il n'a pas réussi à se rapprocher de la perfection qu'Allah mérite. Malgré tous ses efforts, il ne lui reste que à dire astaghfirullah, demander pardon à Allah et à s'excuser pour ses imperfections. Parce qu'il n'a pas pu l'adorer comme il le mérite. Et il doit demander à Allah de lui pardonner ses incapacités, ses imperfections. Et il a encore plus besoin qu'Allah lui pardonne ses défauts, ses fautes et ses imperfections que de la récompense qu'Allah a préparée pour ceux qui l'adorent. Allahu Akbar. Wallahi, que s'il avait, ou pour reprendre les termes d'Ibn al-Qayyim, s'il s'était acquitté pleinement, ou bien comme il convenait de son devoir envers Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, de toute façon, il mérite cela. Il méritait cela. Et toi, tu es un serviteur, tu devais faire cela. Lorsque le serviteur est au service de son maître, quoi d'étonnant? Nous sommes ses serviteurs et ses créatures. Mais on ne saurait adorer Allah Azza wa Jal comme il le mérite de tout point de vue. Ainsi, on comprend qu'on se doit de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a magnifiquement illustré cela lorsqu'il nous dit « لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ قَالُ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Nul ou bien personne parmi vous entrera au paradis par ses bonnes œuvres. Ni toi au message d'Allah, ni moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. » Sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Si Allah azza wa jal nous demandait de payer ou de rembourser un bienfait qu'il nous a donné, il ne resterait même plus de hasanat au serviteur le plus pieux d'entre nous. Et si Allah avait châtié l'ensemble des serviteurs de la terre, il l'aurait fait sans être injuste envers eux. Et pour réussir à concrétiser tout cela, il faut faire dua, il faut demander à Allah Azza wa Jal l'aide et l'assistance. Et il faut réellement invoquer Allah Azza wa Jal et lui demander la concentration à la prière et à concrétiser ces points-là. Il faut avoir une haute détermination, être motivé. Il faut avoir un désir ardent de rencontrer Allah et d'avoir la récompense. Et il faut avoir une crainte très forte de se voir châtié par Allah et de rater le paradis. والله أعلم والله المستعان وعليه التكلان وإليه الرغبة وهو المسؤول بأن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا إنه ولي ذلك والمن به وهو حسبنا ونعم الوكيل. ابن القيم رحمه الله تعالى أفني avec cette invocation. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Prochainement, inshallah ta'ala, continuer dans ce sens-là. Il y aura une conférence très importante sur la demande de pardon à Allah. On arrive à la fin du mois de Ramadan, il convient de sortir lavé de tout péché. Et les savants traitent en général trois sujets. La description du paradis, de l'enfer et la demande de pardon, comme l'a fait Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et si on médite les hadiths sur les bienfaits du jeûne, on verra qu'Allah réunit ces choses-là. Celui qui prie Laylatul Qadr, celui qui jeûne Ramadan, celui qui prie les nuits de Ramadan, on lui pardonne ses péchés passés, ça c'est le pardon. Mais aussi, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. Naam, tous ces sujets-là, il nous faut les évoquer, les mentionner. On fait notre possible malgré nos nombreuses imperfections. Qu'Allah Azza wa Jal récompense nos savants pour la science transmise et propagée. Qu'Allah Azza wa Jal récompense les prédicateurs pour le temps et accordé. Jazahumullahu khayra. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك